7 mois de pauvres humains avec des sons sourds, avec des environnements amniotiques, avec ton cou qui monte et avec votre peau pour commencer à ressentir. Une femme te protège avec son corps, avec son sang, avec sa vie. 7 mois ont passé et la division cellulaire a été multipliée par des millions et des millions. 7 mois ont passé et votre espace commence à tomber court et votre espace est en deçà des cellules qui vous donnent la vie aussi. Vous ne tarderez pas à voir la lumière pour la première fois. Vous ne tarderez pas pour émettre vos plus et ne tarderez pas à votre main pour pleurer aussi. Vous voyez la lumière sur la rue. Vous ressentez déjà l'angoisse de partir. Vous sentez la vie à l'intérieur. Vous sentez votre cou battre. C'est une question de haut. Pour vous de changer votre respiration. C'est une question de haut. Pour votre main de vous rencontrer. C'est une question de haut. Pour vous de quitter cet espace. Cet espace qui a donné la vie et la subsistance. Qui vous a donné l'amour et la protection. À l'extérieur des nombreux, vous attendez. La luminosité extérieure et les reflets vous sembleront étranges. De haut pour moi, tous attendrez avec impatience de vous voir partir. Vous voyez la lumière sur la rue. Vous ressentez déjà l'angoisse de partir. Vous sentez la vie à l'intérieur. Vous sentez votre cou battre. Vous ne tarderez pas pour émettre vos plus et ne tarderez pas à votre main pour pleurer aussi. Les cavaliers, Mexique.